question, diriez-vous, est-ce que vous vous amusez ou est-ce qu'il ou elle s'amuse? Vous se dit mi. En fait, me se dit mi. Oui. Et comment dit-on vous-vous quand on vous voit quelqu'un ou il se, elle se? Si. Si, oui, c'est ça. Si diverta. Quel est l'infinitif? Comment dit-on s'amuser? Divertirsi. Donc, ce n'est pas un verbe en are, mais en ire. Ce qui veut dire que la terminaison... Ah, si diverte? Oui, mais attention à l'accentuation. Si diverte? C'est bien. Si diverte, est-ce que vous vous amusez? Ça tombe bien que vous ayez dit si diverta, parce que ça va me permettre de vous parler de l'impératif. Si diverta veut dire amusez-vous quand on vous voit quelqu'un. Alors, si diverta, c'est un peu comme un ordre. Amusez-vous. Si vous vouliez demander à quelqu'un, parlez-vous italien? Comment diriez-vous ça? Parle italiano? Comment dites-vous vous parlez ou il ou elle parle? Parle? Je ne sais pas. Quel est le verbe? Quel est l'infinitif, l'équivalent de parler? Parlare. Parlare, oui. Et manger? Mangiare. Oui, mangiare. Et donc, que mangez-vous? Donne? Che cosa mangi? Répétez, s'il vous plaît. Che cosa mangi? Vous êtes sûr? Nous avons trois sortes de verbes en italien. Les verbes en are, les verbes en ere et les verbes en ire. Mais moi, en fait, je les répartis en deux catégories simplement, selon le principe suivant. Un verbe se termine soit par are, soit par autre chose. Pour dire vous, il et elle, si c'est un verbe en are, vous appuyez sur la syllabe précédente et vous remontez sur le a de la terminaison. Si ce n'est pas un verbe en are, vous remontez sur un e. Pour je, la première personne, il n'y a pas de problème parce que c'est o pour tous les verbes quels qu'ils soient. Mangio, parto, etc. Par contre, comment diriez-vous vous partez? Parta. Non, il faut que vous sachiez dès le départ à quel type de verbe vous avez affaire. Sinon, vous tâtonnez. Vous essayez de deviner au hasard. Je ne veux pas que vous jouiez aux devinettes. Je veux que... Parte. Parte, oui, parte. Et donc, comment dites-vous? À quelle heure partez-vous? A che ora parte? A che ora parte? Demandez maintenant, que mangez-vous? Che cosa mangia? Che cosa mangia, c'est bien. Parce que le verbe c'est mangiare. Donc, vous mangez, il mange, elle mange, se dit mangia. Alors, maintenant, vous allez dire, parlez-vous italien? Parla italiano. Attention à l'accentuation. Vous avez dit « parla » à la française, en insistant sur la fin du mot, alors qu'il faut dire « parla ». Parla italiano. C'est mieux, mais il manque à votre phrase l'intonation qui en fait une question. Parla italiano? Bon, ça va. Parla italiano, oui. Parla italiano, c'est « vous parlez italien ». Pour dire « parlez-vous italien? Vous devez faire monter la voix. Parla italiano? C'est ça. Parla italiano. Et maintenant, comment diriez-vous? Pourquoi ne parlez-vous pas italien avec moi? Perché non parlo italiano con me? Alors, là, vous ne vous êtes pas suffisamment concentré sur ce que je vous ai demandé. Vous n'avez pas réfléchi. La phrase précédente, que nous avons répétée plusieurs fois, contenait aussi parlez-vous. Or, quand je vous redemande une phrase avec parlez-vous, au lieu de réfléchir et de vous dire « Ah oui, nous venons de voir parlez-vous, c'était parla », vous vous précipitez et vous vous trompez. N'oubliez jamais de réfléchir avant de répondre, c'est important. Alors, reprenons. Pourquoi ne parlez-vous pas italien avec moi? Perché non parla italiano con me? Voilà, c'est ça. Perché non parla italiano con me?